Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. L'Union européenne s'apprête à lever ses sanctions économiques contre le Burundi. Un très joli cadeau de nouvel an pour le gouvernement burundais, assure une source en parlant de la décision prise en interne en début de semaine. Et le ministre du Commerce met en garde les commerçants contre toute spéculation sur les produits de première nécessité durant cette période de fin d'année. Et dans la chronique environnement, un professeur d'université nous expliquera comment les engrais chimiques inappropriés acidifient le sol et perturbent la nutrition de la plante. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. L'Union européenne, qui avait prolongé dernièrement ses sanctions économiques, vient de décider en interne de lever les sanctions budgétaires qui frappent le Burundi. Une information de nos confrères de RFI. Une solution au problème juridique qui bloquait leur levée a été trouvée selon leurs sources, qui parlent de la difficulté à laquelle s'est heurtée l'Organisation européenne de transposer des sanctions prévues par l'accord de Cotonou à l'accord qui va le remplacer. C'est déjà acté, assurent les sources de RFI, qui parlent d'une officialisation de la décision lors du prochain Conseil des ministres en janvier. Gitega attend son officialisation qui ne devrait pas tarder par les voies diplomatiques habituelles. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certains habitants de la commune Wuhinyuza en province Muyinga affirment que les activités de restauration du paysage menées par le projet de restauration de résilience du paysage du Burundi seront pérennisées. Ils expliquent que des activités semblables n'ont pas duré parce que les bénéficiaires n'avaient pas été concertés et parce que des animaux domestiques errant partout causaient des dommages à certaines réalisations. Hermenegilde Rubirinwari, représentant de l'ONG Accor Burundi dans ce projet, demande aux différents bénéficiaires de faire leurs ces activités pour qu'elles ne disparaissent pas avec la fin du projet. Pierre Claver, Burundi, depuis Muyinga. Parmi les activités menées par le projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi sur 12 collines de Buhinyuza, en province de Muyinga, figurent l'aménagement et la protection des terroirs, la multiplication des herbes fixatrices et fourragères, la forestation, la protection des berges de rivières, ainsi que le traitement des ravins. Certains habitants de la commune de Buhinyuza disent que ce n'est pas la première fois que ce genre de projet réalise des activités visant la restauration du paysage, mais qu'elles restaient sans trace quelques temps après. La raison évoquée ici est que les bénéficiaires n'étaient pas concertés ni sensibilisés. En outre, les animaux domestiques se promenaient partout et abîmaient ces réalisations. Chicharayo de Bunyuana fait savoir que cela ne sera pas le cas avec ce projet. Nous sommes conscients des méfaits de l'érosion et de la dégradation du sol, a-t-il déclaré à Radio Isanganiro. Hermenegilde Rubirinwari, qui représente l'ONG Accor Burundi dans les activités du RRPB, indique que les bénéficiaires et les intervenants sont sensibilisés pour les contrats sociaux qu'ils vont signer pour la pérennisation des activités du projet. L'élaboration des contrats sociaux, c'est dans l'objectif de mobiliser, sensibiliser tous les bénéficiaires et les intervenants dans le projet pour qu'ils comprennent leur rôle, les responsabilités qu'ils vont assurer après projet. Il ajoute que les mêmes activités se réalisent sur 10 collines de la commune Isale en province de Bujumbura. Merci Pierre Claver Barundi. La société sucrière du Mosso, la Sosumo, compte produire 35 000 tonnes de sucre dans deux ans. Le ministre en charge de l'agriculture, Deogui de Rurema, précise qu'actuellement, il possède 400 hectares pour l'extension des plantations de canne à sucre. Il a dit cela lors de la présentation des réalisations du premier semestre 2021-2022. Suivez-le dans la traduction de Jean de Dieu Irakotse. Abantu babandanya bagwira ahanca nishura n'ikibazo cy'umuyabaje ati muri ko murakora iki twebwe ikintu kituradishinga. La population a augmenté, ce qui nous préoccupe actuellement pour faire face à la pénurie du sucre, c'est d'augmenter la production et qui dit production dit aussi avoir les terres suffisantes. Aujourd'hui, nous atteignons 3600 hectares et bientôt on aura plus de 4000 hectares cultivables. Mais vous comprenez que ça prend du temps, car on doit d'abord préparer et défricher le terrain pour passer à l'exploitation. puisqu'on a de la chance et qu'on dispose déjà de 4000 hectares, dans 2 ans, on pourra alors atteindre notre objectif de produire 35 000 tonnes de sucre. Nous avons également des appareils nécessaires comme les tracteurs. Ils sont déjà disponibles. Autre chose à vous annoncer est qu'il y a des agriculteurs qui ont promis de donner leurs terres à une condition qu'elles soient utilisées à titre d'association coopérative. Ils ont également précisé que ces terres ne seront pas vendues, mais plutôt elles seront exploitées par nous-mêmes en coopérative pour la culture de la canne à sucre. Par après, nous allons comptabiliser les contributions de l'État à travers la SESUMO, que ce soit les semences de la canne à sucre, l'engrais chimique ou les ouvriers, pour pouvoir analyser ensemble comment acheter la production. Le ministre en charge de l'agriculture, Deogui de Rurema. Et le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Transport et du Tourisme appelle les commerçants au strict respect des prix des produits de première nécessité pendant cette période marquant les fêtes de fin d'année. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, ce ministère met en garde les spéculateurs qui seront punis conformément à la loi. Suivez Glorieuse Nuaroutaye et les porte-parole du ministère dont le commerce rentre dans ses attributions. Durant cette période des fêtes de fin d'année 2021, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme porte à la connaissance du public en général et des intervenants dans les secteurs du commerce et du transport en particulier ce qui suit. Dans le cadre de la préservation des bonnes pratiques en matière de commerce et de transport des personnes et des biens, le ministère rappelle à tous les commerçants qu'il est strictement interdit de mener des spéculations sur le marché en créant artificiellement des pénuries de biens de consommation afin d'en profiter par la hausse des prix. Le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme rappelle aux vendeurs des produits Braroudi et du sucre et Sosumo de mettre sur le marché les quantités qui leur sont octroyées en toute transparence sans aucune autre forme de spéculation. Le ministère rappelle aux transporteurs des personnes et des biens de respecter les prix usuels et surtout pour les transports interprovinciaux. Le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme demande en outre à tout un chacun d'être vigilant et de dénoncer auprès de l'administration locale ou de la police en charge de la sécurité routière tout cas de spéculation pouvant être détecté sur le marché des biens de consommation ou des services de transport afin que les contrevenants soient punis conformément à la loi. Enfin, le ministère tient à rappeler à tous les usagers des transports en commun que le port du masque est obligatoire pour se protéger mutuellement contre la COVID-19. C'était Glorieuse Nivarutaye, porte-parole du ministère en charge du commerce. Grogne des conducteurs de véhicules et taximotos au chef-lieu de la province Tiankouzo. Ils se lamentent comme quoi chaque fois que le carburant est distribué, c'est difficile de s'en procurer pour privilégier sa distribution dans les bidons. Ce jeudi, les policiers qui sécurisaient la distribution de l'essence sur une des deux stations ont été accusés par ces conducteurs de mettre en avant le clientélisme à des fins de corruption. Le commissaire communal, qui a été sur place, ne nie pas les faits et trouve que ces policiers accusés n'avaient pas eu l'autorisation de sécuriser cette station. Argument qui n'a pas convaincu les usagers des motos et véhicules. Ces derniers réclament plus d'ordre à la prochaine distribution de carburant. Raymond Moudente. Des conducteurs de véhicules et taxis-motos du chef-lieu de la province Tiankouzo demandent de l'ordre dans la distribution du carburant sur les deux stations-service du chef-lieu de la province Tiankouzo. En effet, ces usagers de véhicules et motos se plaignent comme quoi ils passent beaucoup de temps en file indienne sur les stations-service du fait que lors de la distribution du carburant on privilégie d'abord la distribution dans les bidons. Ce jeudi, une chamaille a failli dégénérer à une violence entre ces conducteurs et les policiers venus sécuriser la distribution de l'essence sur l'une des stations qu'il a distribuée depuis le matin. Les policiers étaient accusés de faciliter l'usage des bidons pour se procurer de l'essence, ce qui a fini par fâcher ces conducteurs de motos et véhicules, dont la plupart sont des chauffeurs de Probox, qui parlent de la perte du temps, et d'autres disent que le carburant s'épuise sans qu'il soit servi. Informé sur cette chamaille, le commissaire communal de police à Tiankouzo a vite intervenu pour mettre de l'ordre et a fait savoir que les policiers accusés de recevoir des pots d'ové n'avaient pas eu aucune mission de sécuriser cette station-service. Et la décision du carburant dans les bidons, quoique condamnée par l'administration à Changuzo, est devenue comme une habitude sur les deux stations-service du chef-lieu de la province Changuzo. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Mudende, toujours dans les nouvelles des provinces. Des personnes dont l'effectif n'est pas encore déterminé font des mouvements de va-et-vient sur la colline Baziro en commune Guitobé, où se situe un site d'extraction de l'or, comme le précise la population de cette localité, confirmée par l'administrateur de la commune, Georgine Doussabé. Ces gens irréguliers sont à l'origine de l'insécurité, comme des cas de vol et de viol, des mouvements de va-et-vient donc pendant la nuit et de façon incontrôlée. Certains élèves abandonnent l'école peut-être pour être des concubines de ces extracteurs des mines et certains de ces derniers abandonnent leurs femmes légales. Les précisions de notre correspondant Abraham Safari. Comme le signale la population de la colline de Baziro, en commune de Guitobé, province de Kirundo, est confirmée par l'administrateur de cette commune, Doussabé Georgine, un nombre non encore connu des personnes sillonnent la colline Baziro où se situe le site d'extraction minière. Certains n'ont même pas de pièces d'identité, mais la population sur place dit que la majorité proviennent des provinces de Muyinga, Kayanza, Ngozi et un petit nombre de Kirundo. Comme le précise l'administrateur de la commune de Guitobé, ces gens sont source d'insécurité dans la localité, surtout qu'ils se remarquent des cas de vol et viol, des élèves qui abandonnent l'école pour s'adonner à la prostitution et des femmes qui proviennent des coins différents pour se faire des prostituées. Dans la réunion tenue la semaine passée par l'administrateur à l'endroit de la population de cette localité et les extracteurs des mines, et la mise en garde, les administratifs à la base, qui couvrent certaines irrégularités qui se marient précocement aux élèves qui abandonnent l'école, comme ceux ou celles qui font le concubinage, qu'ils seront sanctionnés conformément à la loi. Selon nos témoins sur la colline de Baziro, des enfants qui naissent sont en grand nombre et ne sont pas du tout enregistrés. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. L'acidification du sol et la perturbation de la nutrition de la plante sont des effets néfastes qui proviennent de l'utilisation des engrais chimiques inappropriés. Explication de Christophe Niyungeko, chercheur et enseignant à l'Université du Burundi. Il dit qu'on peut réutiliser d'autres engrais chimiques s'il y a dégradation du sol et si la plante a une longue période de vie. Lydie Gahimbari. Dans la chronique précédente, le chercheur et enseignant à l'Université du Burundi a expliqué des principaux engrais chimiques souvent utilisés qui sont l'azote, le phosphore et le potassium. Aujourd'hui, Christophe Niyungeko donne des explications sur les effets néfastes qui proviennent de l'utilisation inappropriée des engrais chimiques, l'acidification du sol et la perturbation de la nutrition de la plante. Plusieurs engrais chimiques ont une teneur élevée en acide. Alors après l'application de ces engrais, il y a un phénomène d'acidification de sol avec des conséquences néfastes qui peuvent arriver. Entre autres, la perturbation de l'équilibre, parce que dans un sol, il y a la vie. Là où il y a la vie, il doit y avoir un équilibre. Alors, lorsque il y a l'acidification, le pH du sol diminue, alors l'activité microbienne ralentit ou diminue. Et par conséquent, la minéralisation de la matière organique diminue. Alors, l'efficacité de ces engrais alors aussi doit diminuer et par conséquent, la perturbation de la nutrition de la plante et par conséquent, il y a la diminution de la production. Ce chercheur ajoute que l'utilisation des engrais chimiques pollue également l'environnement. Une autre chose, l'utilisation des engrais chimiques, ça pollue l'environnement. En plus de l'acidité, il y a des nitrates qui s'infiltrent dans la nappe phréatique et polluent les cours d'eau qui sont dans la plupart des cas des sources d'eau potable. Selon Christophe Niyungeko, l'application des engrais chimiques doit être régulée pour éviter les éléments toxiques solides qui polluent le sol et l'environnement. Il faut que l'application des engrais chimiques soit régulée pour éviter au maximum le recyclage, phénomène qui véhicule les éléments toxiques solides ou solides vers les eaux de surface ou vers la nappe phréatique source de l'eau potable. Ceci, c'est pour essayer de lutter contre l'érosion, parce que l'érosion, c'est un problème très sérieux pour l'agriculture brune. le traçage des corbeaux de niveau est aussi un autre moyen qui permet de garder la fertilité du sol, ajoute-t-il. Actualité internationale. Les avocats de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ont annoncé ce jeudi que leurs clients se réservent le droit de porter plainte contre les médias et ONG qui l'ont accusé dans un rapport d'avoir siphonné 138 millions de dollars en 5 ans. Le clan de l'ancien président Kabila a été mis en cause dans l'enquête intitulée « Congo Hold Up » basée sur 3,5 millions de documents bancaires confidentiels obtenu par le média d'investigation français en ligne Mediapart et l'ONG Plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Des collectifs d'avocats sont constitués en France, en Afrique du Sud et en RDC, a indiqué Maître Nyabirungo, un de ses avocats, sur le site de RFI. Et aux Comores, la vaccination est désormais obligatoire. Vaccination contre la COVID-19 face à l'augmentation très rapide du nombre de cas de COVID-19 ces derniers jours. Le président Azali Assoumani a publié mercredi 22 décembre un décret entré en vigueur dès ce jeudi 23 décembre, prévoyant notamment une campagne de sensibilisation et de vaccination massive jusqu'à la fin de l'année pour l'ensemble de la population en vue d'atteindre un taux de 60% de vaccination complète. Et s'il est vrai que le nombre de cas de COVID-19 a explosé depuis quelques jours, avec notamment 40% au sein du Centre hospitalier national de référence, les décisions de l'exécutif entrées en vigueur du jour au lendemain ont provoqué un léger vent de panique et paradoxalement, dit RFI, le même décret annonce le report du couvre-feu de 23h à 1h du matin et la reprise autorisée des rassemblements à compter du 2 janvier prochain. Voilà, il est 13h14 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. L'Union européenne s'apprête à lever ses sanctions économiques contre le Burundi. Un très joli cadeau non nouvel an pour le gouvernement burundais, assure une source en parlant de la décision prise en interne en début de semaine. Et le ministre du Commerce met en garde les commerçants contre toute spéculation sur les produits de première nécessité durant cette période de fin d'année. Vous l'avez suivi dans la chronique environnement. Un professeur d'université nous a expliqué comment les engrais chimiques inappropriés acidifient le sol et perturbent la nutrition de la plante. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Alphonse Koublimana. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi et joyeux Noël déjà.